J'aimerais bien. Ah oui, merde, c'est pas. C'est. Supérieur. T'as pas supérieur, toi? C'était quoi? Qui c'est qui a dû régler? En fait, tu peux mettre des MIDI files, mais. Je dévance ce pourri, nous en avons. écouté un bon morceau. C'était bien.